et française ou pas d'ailleurs, sur la page Facebook. À demain pour nos deux heures de dialogue. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Si vous le pouvez, évitez à tout prix la A54 aujourd'hui dans le sens Charleroi-Bruxelles. La route restera fermée au minimum jusqu'à 20h ce soir. De grosses complications en raison d'un accident entre deux poids lourds ce matin vers 6h30. Ils ont perdu leur chargement des graviers et du mazout. Et si la chaussée reste fermée si longtemps, c'est parce qu'il faudra a priori réasphalter la route. Pas d'école pour les élèves francophones aujourd'hui. Nous sommes le 27 septembre, c'est la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par contre, pas de jour de congé pour les représentants politiques. Ils donnent des discours ce matin à l'hôtel de ville de Bruxelles. Comme chaque année, il sera question de l'avenir de cette institution encore trop souvent méconnue. Cette nuit à Namur, un incendie volontaire a détruit un magasin de vêtements dans le centre-ville. Il n'y a pas de blessés, mais les dégâts matériels sont importants. Le feu a été bouté à des cartons qui étaient devant la boutique. Les flammes se sont rapidement propagées puisqu'il y avait des textiles. Le laboratoire, un expert et un chien renifleur ont été envoyés sur place. En Allemagne, deux attentats à la bombe, notamment contre une mosquée à Dresde, à l'est du pays. Il n'y a pas de blessés. La police évoque des motivations racistes sur un fond de violences xénophobes qui sont en hausse dans le pays. Toujours en Allemagne, un coup dur pour le secteur bancaire. 9000 emplois seraient menacés chez Commerzbank après une restructuration. Commerzbank est la deuxième plus grande banque allemande. Elle emploie au total 50 000 personnes à travers le monde. Avantage Clinton après le premier débat télévisé cette nuit aux États-Unis entre les deux candidats à la présidentielle américaine, Donald Trump et Hillary Clinton. La candidate démocrate s'est montrée plus incisive. Le républicain, lui, était sur la défensive. Football, un club belge sur la scène européenne ce soir, Bruges. Deuxième match en Ligue des Champions pour les Blauw en Zwart. En déplacement à Copenhague, les Brugeois sont sous pression après leur défaite face à Leicester. Ils doivent affronter une solide équipe danoise. La rencontre est à suivre sur Vivacité à 20h45. La météo, une belle journée d'automne. Aujourd'hui, le soleil brille. Il sera gêné par des nuages dans l'après-midi. Le temps devrait rester sec et doux. Les températures aujourd'hui seront comprises entre 17 et 22 degrés. RTBF Mobile Info avec Antoine Binamé. Alors Antoine, comment peut-on rejoindre Bruxelles si on vient de Charleroi, puisque ça n'est pas possible d'emprunter la A54? Oui, la A54 Charleroi-Nivelles à hauteur de Buzet. Donc cet accident, chaussée fermée, vous l'avez dit, au minimum jusque 20h ce soir. Donc vraiment, on vous demande d'éviter ce secteur. On a deux possibilités. Si vous venez de Namur ou de Charleroi, on vous propose de continuer sur le 42 vers Mons. À Boisden, vous prenez la 501 en direction de Famille Heureux. Et puis finalement, le 19 en direction de la capitale. Et si vous venez de Mons, eh bien quittez le 42 à hauteur de Chapelle, Léaire, Les Monts, et puis prendre la direction de Bruxelles via la Nationale 59, ce qui vous permettra donc d'éviter cette A54. Oui, vraiment, il faut l'éviter, même ce soir à l'heure de pointe. Pour le reste de la circulation, toujours les suites de cet accident sur le 40 Gand, Bruxelles à hauteur d'Affligem, bande centrale neutralisée vers la capitale. Et dernier ralentissement sur le ring de Bruxelles à cette heure-ci en circulation extérieure, Zaventem Grand Bigard, comptez 10 minutes supplémentaires. Un problème sur la route? Prévenez le center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons. On commence sur Vivacité avec Sébastien Nolvaux et toute l'équipe. Justine, retour de l'info à midi. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien, ça va bien. Pourquoi vous n'êtes pas en congé? C'est férié dans l'administration. Parce qu'on aime trop notre travail. Évidemment, on embrasse tous les fonctionnaires qui ne font rien depuis leur domicile. Exactement. Ça change. Et il y a du soleil, qu'ils en profitent. Hein. D'habitude, ils ne font rien depuis leur bureau. Oh là là. Évidemment que c'est pas vrai. Aujourd'hui, on va aider Malérie Hélène qui a acheté une nouvelle voiture il y a un an et demi. La climatisation ne fonctionne pas. C'est bête, pourtant il fait bon. Oui.

Bon, on va planquer Caro dans un coin. Parce que Caroline, quand elle parle du lait, on n'en peut plus sur la page Facebook, ça ne s'arrête pas. La semaine dernière, elle parle du prix du lait, le sujet a fait débat, vous avez été nombreux à réagir. Hier, Caroline est revenue nous parler du lait, mais cette fois en se posant la question, est-ce que c'est bon ou pas pour la santé? Là, le compteur des réactions, il a explosé, hein, Sophie. Oui, notre page Facebook s'est transformée en débat laitier, pour le meilleur comme pour le pire. Mais on n'est pas des pigeons et on réagit. Valérie, elle en boit 2 litres par jour depuis son enfance. Elle nous explique, mes paramètres habituels, masse corporelle, taux de cholestérol, glycémie sont impeccables. Si le lait était mauvais pour la santé et même un poison comme certains le prétendent, l'espèce humaine n'existerait plus étant donné que ça fait des millénaires que les humains consomment le lait d'autres animaux. Demdem est également un consommateur qui l'assume. Ma fille et moi aimons le lait et ses dérivés. Nous en consommons chaque jour. J'ai été nourrie au bon lait de vache et continuerai à en boire. Mais tout le monde n'est pas du même avis. Non, c'est le cas de Jenny. L'être humain est le seul animal à boire le lait d'une autre espèce. C'est contre nature et inhumain car derrière il y a l'industrie du lait et énormément de maltraitance animale. Sébastien, lui, nous donne une autre raison. Une esthéticienne m'a dit un jour, le lait, c'est pour les veaux. Si tu veux avoir moins de boutons d'acné, bois moins de lait. Voilà plusieurs années que j'ai réduit les quantités de lait, donc, et effectivement, beaucoup moins d'acné. Enfin, Marie-Antoine... C'est peut-être parce qu'il a grandi aussi. Hein. Oui, c'est ce que je dis. C'est juste peut-être un petit peu pour ça. Bah, si lui, il est content sans lait. Oui, c'est le principal. Enfin, Marie-Antoine nous explique que certaines personnes disent que le lait est bon pour les veaux, mais pas pour les humains, surtout les enfants pour lesquels il serait trop riche. Et puis, il y a le mot de la fin, Yasmine. Qui conclut par très à la mode, ne pas boire de lait, ne pas manger de gluten, la cuisine végane. À part pour les personnes qui ont de vraies intolérances, faut quand même arrêter les bêtises. Manger de tout et équilibré, voilà la recette d'une bonne santé. Bon, bah, elle est bien, Yasmine. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Un excellent conseil. Hubert, hier, vous avez filé d'autres conseils, trucs et astuces pour entretenir correctement les chaussures. Un moment très sympa qui a attiré votre attention. Notamment l'attention de Christiane, une fan des chroniques d'Hubert. Elle est fan, hein? Elle nous dit toujours de bons conseils, Hubert. Je les applique très souvent. Un grand merci. Alors, restez à l'écoute parce que vous allez encore connaître des trucs tout à l'heure. Ouais. Il n'arrête jamais. Et puis Baptiste, lui, ajoute une astuce en plus, celle de frotter les chaussures en cuir lisse avec un chiffon et utiliser un peu de crème Nivea. Cela permet également de nourrir le cuir et de lui redonner un bel aspect. Oui, continuez à poursuivre le débat sur la page Facebook. Les trucs et astuces pour entretenir les chaussures aussi. Et puis tout à l'heure, les trucs et astuces d'Hubert pour utiliser le vinaigre de manière un petit peu particulière. On rappelle les moyens de joindre la rédaction, Sophie. Donc sur la page Facebook, on n'est pas des pigeons, par SMS au 3063, 50 centimes le message, ou par email à pigeon@rtbf.be. Côté musique, il y a Claudio Capeo qui arrive et puis nous téléphonerons à Marie-Hélène qui a une voiture neuve. Elle a moins de 2 ans, sa voiture, il y a un problème de climatisation. Elle est sous garantie cette voiture et pourtant le garage ne veut pas intervenir. Vous avez remboursé votre maison et maintenant vous vous demandez que faire de votre argent. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Pour la plus large gamme d'aliments pour chiens et chats et les conseils les plus complets, AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Au soleil ? Ou à la neige. Dépêchez-vous, vous avez jusqu'à ce dimanche pour profiter de jusqu'à 500 euros de réduction First Minute. Neckermann, vous êtes en vacances ? Chute de cheveux, pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat, action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. Vivacité et la Une présente le premier festival international de films de comédie de Liège. Du 23 au 26 novembre, rencontrez les professionnels du cinéma et faites-le plein de rires et d'émotions au Cinéma Palace et sur la place Saint-Paul. Info fifcl.be. Avec la ville et la province de Liège et la région Wallonne. Je vois dans ta vie du succès, de l'argent ou une maison avec piscine. Mouais, je crois que je vais plutôt confier mon avenir à l'EFP. Tu plonges dans la vraie vie tout en apprenant un vrai métier. Inscription dans plus de 70 formations jusqu'à fin octobre. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. EFP, formateur de talent. EFP-BXL.be. Ceci est un message pour les professionnels du secteur Horeca. Vous voulez tout connaître des nouvelles tendances en food, fine food, snack, boisson, cuisine, service et découvrir des solutions de management et e-management? Visitez les 2, 3 et 4 octobre à I Love Horeca, le salon professionnel Horeca à Tour et Taxi. I Love Horeca, c'est aussi le lundi 3 au soir. Une nocturne champagne sur invitation de l'un des 150 exposants que vous retrouverez sur notre site. I Love Horeca, c'est les 2, 3 et 4 octobre à Tour et Taxi. Plus d'infos à iloveoreca.be. je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. C'est dur, je confesse. Enfin, je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. Bon, veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie, abandonner. Que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Claudio Capéo sur Vivacité avec Un homme debout. On part sur les routes, Antoine Binamé. Il y a du nouveau du côté de la 54. Oui, effectivement. Donc, cet accident sur la 54 Charleroi, Nivelles à hauteur de Buzet, chaussée fermée. Vous le savez, des gens sont bloqués là-bas depuis 6h30 ce matin. S'ils nous écoutent, eh bien, sachez que la protection civile et les pompiers arrivent en ce moment sur place pour distribuer de l'eau et de quoi manger à ces automobilistes qui sont bloqués donc dans ces bouchons. Depuis ce matin, évitez vraiment le secteur si vous le pouvez. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Ah, vous êtes content de votre bagnole? Oui, c'est la raison pour pas être difficile, hein. Ah, mais elle est jolie, quoi, quand même. Si, Dodo. On accueille Marie-Hélène. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour. Vous êtes contente de votre bagnole? Je suis contente de la voiture, oui. Ouais. Vous avez acheté quoi? Vous avez acheté quoi comme voiture il y a 18 mois déjà? Un grand C-Max. D'accord. Ça, c'était il y a 18 mois. La climatisation ne fonctionne plus bien depuis quelques semaines. Oui, plus ou moins vers la mi-août. Vous êtes retourné au garage pour leur dire... qu'elle ne fonctionnait plus. Et chez Ford, ils vous dit quoi? Oui, ils m'ont donné un rendez-vous. Ouais. Ils m'ont dit, voilà, on va aller voir, on va regarder ce qui ne va pas. Ils ont trouvé la panne. Oui. Et ils m'ont dit, ben voilà, vous venez dans 15 jours et on réparera. J'ai demandé, est-ce que ça sera bien sous garantie? On m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Logique, on ne m'a jamais mois, parlé de carnet d'entretien, on ne m'a parlé de rien du tout. D'accord. Et on m'a donné rendez-vous. Et au rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé alors? Ben, on est allé conduire la voiture, ils m'ont donné une voiture de remplacement, puis moi j'avais des choses à faire, je suis partie. Et ils m'ont téléphoné vers midi pour me dire, ben voilà, votre carnet d'entretien n'est pas... réglementaire, n'est pas cacheté par un garage agréé fort. Donc, on ne fait pas la réparation de la voiture. On ne peut pas. D'accord. Ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas ou ils vous font payer? Et ils m'ont dit, si vous voulez la faire, vous payez, parce que nous, on ne sera pas remboursé par la maison mère. Bon, Annie, voilà un dossier un petit peu fâcheux. Oui. 18 mois, elle a moins de 2 ans, cette voiture. Oui, et donc garantie. Vous dites, moins de 2 ans, ça veut dire qu'elle est couverte par la garantie légale. Logique. Ça, c'est déjà une chose. Et alors, ce qu'on entend ici, c'est que manifestement, on ne veut pas prendre en charge la réparation parce que les entretiens n'ont pas été faits, ou en tout cas, le carnet d'entretien n'est pas réglementaire. Alors, vous avez été où faire vos entretiens, Marie-Hélène ? C'est mon époux. Ah, c'est lui qui l'a fait. Oui, ben c'est la 5e voiture forte. Ouais. Et la dernière avait 8 ans. Ouais. Et mon mari a toujours fait les entretiens. Donc il fait ça bien, puisqu'elles durent longtemps, les voitures. Mais alors, sur ce coup-là, il n'est pas garagiste, votre mari. Il est juste bricoleur. Oui, c'est ça. Ben, il a fait notre maison et n'est pas maçon. D'accord. Donc, voilà, d'accord. Donc, excellente réponse. C'est une excellente réponse. Annie. Alors, j'ai pris contact avec le garage. Alors, ce qu'on me dit, c'est que c'est la maison mère Ford qui prend la décision de prendre ou non la réparation sous garantie. Et le principe, c'est que les entretiens doivent être faits dans le réseau Ford. Parce que, on me l'a expliqué, on met l'ordinateur sur la voiture et l'ordinateur détecte tout de suite si la voiture est venue faire l'entretien. Manifestement, ici, non, puisqu'on a bien compris que c'était Marie-Hélène, ou plutôt son mari, qui effectuait l'entretien. Et donc, voilà, ce n'est pas le garage qui prend la décision de prendre en charge ou non la réparation, c'est vraiment au niveau de la maison mère. Alors nous, on nous a toujours appris, me semble-t'il, c'est qu'on pouvait faire nos entretiens en dehors du réseau, partout ailleurs. Donc on est d'accord. On s'y perd. On s'y perd, donc on fait quoi quand on s'y perd? On appelle un spécialiste. Évidemment, Philippe Pirson, qui est notre expert indépendant. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bon, vous confirmez la règle, on doit faire l'entretien dans le garage où on achète la voiture ou dans le réseau, c'est ça, c'est la règle? Absolument pas. Ah. La loi est très claire en la matière, le client, l'automobiliste a le droit de faire entretenir sa voiture où il veut, comme il veut, pas comme il veut, mais où il veut. Donc il n'a absolument aucune obligation d'aller dans ce qu'on appelle le réseau officiel, que ça me plaise ou que ça ne me déplaise pas, mais c'est une directive européenne ce que je raconte là. Par contre, évidemment, ce qui est impératif, c'est que les entretiens qui sont effectués sur le véhicule respectent scrupuleusement les prescriptions du constructeur. Okay. Donc si le constructeur dit à 15 000 km ou à 20 000 km, vous devez faire telle et telle et telle opération d'entretien et de contrôle, il faut apporter la démonstration, effectivement, que cela a été fait. D'accord. Maintenant, il faudrait aussi que la panne, sous garantie ou pas, je ne connais pas la panne qu'il y a à l'origine de la panne qu'il y a au niveau de la climatisation, soit que cette panne soit imputable à un mauvais entretien du véhicule, auquel cas la garantie pourrait être refusée. D'accord. Mais il faudrait au moins l'examiner au départ et pouvoir s'expliquer. Mais affirmer que, comme le véhicule n'a pas été entretenu dans le réseau, ou des carnets d'entretien réglementaires ou pas réglementaires, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas. Il y a d'ailleurs des marques qui n'ont plus de carnet d'entretien. C'est enregistré dans l'informatique et on peut avoir un extrait imprimé des opérations qui ont été faites sur la facture. Donc la notion de carnet d'entretien réglementaire n'existe pas. Alors ici je comprends, on est fantaisiste. On va faire un entretien en dehors du réseau officiel. Ici on parle de Ford. C'est vrai que si on a son pote qui est concessionnaire chez Citroën et qu'on met sa voiture là, il y a le cachet dans le carnet d'entretien. Ici, c'est le mari de Marie-Hélène qui le fait donc. Oui. Il n'y a pas ce cachet dans le garage, peu importe lequel finalement, qui apparaît dans le carnet d'entretien. Peu importe lequel, il n'y a de toute façon aucune obligation de mettre un cachet dans un carnet d'entretien. D'accord. Ça démontre simplement que le véhicule a bien été entretenu dans le réseau officiel et puis voilà. Mais ici, il faudrait d'abord connaître l'origine de la panne et à partir de là que le garage puisse démontrer que cette panne est survenue par manque d'entretien. Donc, dans le cas bien présent, affirmer que le véhicule n'étant pas entretenu dans le réseau, il n'y a pas de garantie, c'est faux, ce n'est pas légal. Mais alors Philippe, on vous entend bien, mais j'ai eu un contact avec le garage et je peux vous dire que vraiment, ce n'est pas moi qui prends la décision, c'est forte, c'est comme ça, point barre, on pourrait dire. Elle peut faire quoi, Marie-Hélène, maintenant? Parce que j'ai demandé... Immédiatement avec l'importateur, le service garanti de l'importateur. Parce qu'ici, j'ai dit, mais si Marie-Hélène retourne chez vous, est-ce que vous allez discuter? Ah non, non, de toute façon, ce n'est pas nous. Elle peut venir, mais nous, on ne changera pas d'opinion, c'est comme c'est ça, c'est tout. C'est un petit peu facile. Non, il faut s'adresser immédiatement, sur Internet, c'est bien sûr trouvable, au service garanti de l'importateur. Et si Marie-Hélène a des difficultés auprès de l'importateur, on peut intervenir, mais j'en doute beaucoup. Bon, Marie-Hélène, vous avez bien entendu et compris? J'ai bien entendu, oui, tout à fait. Et vous aviez déjà pris contact avec Ford ou bien vous êtes resté au contact avec le garage? Non, j'ai téléphoné à Ford Bruxelles et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, moi, je suis réceptionniste et c'est comme ça. Vous ne faites pas les entretiens chez nous, donc il n'y a pas de garantie pendant les 2 ans qui sont légales. Mais ça, c'est un truc que j'ai déjà remarqué, Philippe Pierson. Les garagistes vous forcent un petit peu la main et vous mettent une pression ridicule en vous disant que l'entretien doit être fait au garage, hein. Oui, c'est une pression commerciale qui est exercée, mais qui n'a pas de caractère légal. Le client a le libre choix, et à travers toute l'Europe d'ailleurs, de faire entretenir son véhicule en dehors du réseau officiel. Il est évident que les garanties doivent se faire exclusivement dans le réseau et qu'il faut évidemment apporter la démonstration que les entretiens ont été bien faits en suivant les prescriptions établies par le constructeur. Et ici, en l'occurrence, il faut être sûr que la climatisation a un lien avec l'entretien du moteur. Je ne sais pas, effectivement. Bon, bah écoutez, Marie-Hélène, redonnez peut-être un petit coup de fil au service garantie de chez Ford. On va pouvoir. On va suivre le dossier, on va nous-mêmes contacter Ford pour voir un petit peu ce qu'il en est, parce que c'est un petit peu bizarre quand même. On va juste rappeler aussi aux garagistes qu'effectivement. On va juste rappeler la loi. On n'est pas obligé de faire son entretien en garage. On a acheté la voiture, un point, c'est tout. Réglementation européenne derrière, nous a dit Philippe Pierson. Marie-Hélène, bonne chance dans vos démarches. On ne vous laisse pas tomber parce qu'on va nous faire la même chose de votre côté, parce que ce dossier est assez interpellant. Et effectivement, on y reviendra dans les prochaines heures. Merci à tous les deux. La suite, chez nous, eh ben, c'est le Show Must Go On avec Queen. Galerie Toison d'Or, j'adore. Allô Agnès ? Oh, c'est top, top, top ! Les magasins de la Galerie Toison d'Or ouvrent tous les premiers dimanches du mois. Donc, dimanche 2 octobre, ils seront ouverts de 12h à 18h. Trop bien pour découvrir les nouvelles collections. À dimanche alors. Galerie Toison d'Or, j'adore, j'adore. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Hotsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Viva Bruxelles présente Nuit Blanche. La nuit du 1er octobre, les artistes s'emparent du quartier européen à Bruxelles. Performance, projection, installation multimédia. Un événement incontournable et gratuit pour redécouvrir la ville. Parking de roues surveillé et bus de nuit gratuit. Info nuitblanche.brussels. Une initiative de la ville de Bruxelles avec le journal Le Soir. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. 3 délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalle pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaying. 1991, Freddie Mercury et le groupe Queen avec The Show Must Go On. On part sur la route et la 54 qui pose toujours problème. Oui, la 54 Charleroi Nivelles à hauteur de Buzet, chaussée fermée suite à un accident, vous le savez, c'est un problème qui va durer longtemps, au minimum jusqu'à 20h ce soir. On vous propose deux déviations. Si vous venez de Namur ou de Charleroi, vous suivez le 42 vers Mons, à Boisdaine la 501 vers Famille Heureux et finalement le 19 vers Bruxelles. Si vous venez de Mons, quittez le 42 à hauteur de Chapelle-Léaire-les-Monts et prenez la N59 en direction de Bruxelles. La police est en train de commencer à faire évacuer les automobilistes qui y attendent là-bas depuis ce matin. Et sachez-le, la protection civile et les pompiers arrivent pour distribuer de l'eau et de quoi manger. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et on se pose tous une question, la protection civile distribue de l'eau et des sandwichs. Si vous êtes bloqué sur la A54, que vous recevez un sandwich, dites-nous ce qu'il y a dedans. Envoyez-nous un SMS au 3063, s'il vous plaît. Le message. Et on vous rappelle, hein, histoire de taper une petite causette avec vous, pourquoi pas. Place... C'est délicieux. Je sais pas. Mange, mon fils. Je ne sais pas. Les sandwichs de la protection civile, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. 11h32, le journal de la conso dans la dernière heure. On parle de télétravail dans le service public. Ça a le vent en poupe, Sophie. Un peu plus de 18 000 fonctionnaires fédéraux tout de même ont recours une à trois fois par semaine au télétravail. Une sacrée augmentation par rapport à 2011, puisqu'il n'était alors que près de 1 800 à travailler régulièrement depuis leur domicile. Les chiffres ont donc sérieusement augmenté en 5 ans. Alors que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, un arrêté royal a été adopté en 2011, un arrêté qui permettait donc aux fonctionnaires de bénéficier du télétravail. Un système qui permet de nombreux avantages, on s'en doute bien, mais il contribue également à lutter contre le burn-out. Résultat, près d'un quart des agents de la fonction publique travaillent aujourd'hui partiellement à domicile. On poursuit avec les accises sur l'alcool et le tabac qui rapportent beaucoup moins que prévu. C'est ce qu'on lit dans les journaux du groupe Sud Presse. Entre le mois de janvier et le mois d'août, les accises sur l'alcool ont rapporté quelques 92 millions d'euros de moins que prévu. Or, dans le cadre de la taxe Shift, la hausse des accises appliquées sur l'alcool était censée tout de même rapporter 220 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2016. Donc si on fait un peu le calcul, il y aurait un trou de 138 millions d'euros en fin d'année par rapport aux 220 millions d'euros budgétés, ce qui est assez énorme. Et du côté du tabac, sur les 8 premiers mois de l'année, la différence est de plus de 140 millions d'euros. Alors est-ce que les Belges ont diminué leur consommation ou est-ce qu'ils vont désormais acheter ces produits à l'étranger? C'est la question. Et puis dans la Libre ce matin, on apprend que plus de 9 personnes sur 10 respirent un air ambiant trop pollué. Selon un nouveau rapport élaboré en collaboration avec l'université de Bath au Royaume-Uni, on apprend que pas moins de 92% des habitants de la planète vivent dans des lieux où les niveaux de qualité de l'air extérieur ne respectent pas les limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on respire? Eh bien, des polluants comme du sulfate, des nitrates ou encore du carbone noir qui pénètrent nos poumons et nos systèmes cardiovasculaires. Et donc, évidemment, ça représente un risque grave pour notre santé. Alors, quelles sont les principales sources de pollution de l'air? Eh bien, les modes de transport inefficaces, les combustibles ménagers ou encore les activités industrielles. L'OMS précise enfin que 3 millions de décès par an dans le monde sont liés à l'exposition à la pollution de l'air extérieur. C'était dans le journal de la Conso dans quelques minutes. C'est l'automne. Que va-t-on porter, Isabelle? On va aller se rhabiller. Je suis pas sûre que vous allez porter tout ce dont je vais vous parler. Sérieux? Oui, vous allez voir. C'est chelou ou c'est... Ou c'est insolite. C'est insolite. On en parle dans 5 minutes. Non mais tu l'entends l'autre là? Il fait que rigoler! Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750 euros, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be.

penser à notre garde-robe d'automne pour y trouver des choses assez insolites. Alors, vous savez, Sébastien, quand nous, les filles, quand il commence à faire un peu plus frais, on a un réflexe, on va sortir nos collants. Ouais, mais dès qu'on met nos collants, ah, y a une peur qui nous tenaille toute la journée. C'est quoi, à votre avis? Je ne sais pas. C'est des trous. Ouais, ah, là, tout moi, c'est moi qui dis ça. Et moi, j'allais penser à autre chose. Genre, je ne sais pas, tu manges un peu trop de cassoulet, par exemple. Voilà, ah oui, paillot. Que les pieds gonflent. Voilà. voilà. Tu vois, dans des collants, ça doit être bizarre. Pardon. Donc, nous, notre peur, c'est la maille qui devient un trou et on doit se balader comme ça toute la journée. C'est horrible, vraiment. Mais aujourd'hui, il y a une solution. Les collants qui ne filent pas, je présume. Eh bien, pas du tout. On trouve aujourd'hui des collants qui sont vendus déjà avec les trous. Il suffisait d'y penser. Oui, mais... C'est la marque américaine Urban Outfitters qui vend cela. Ça coûte quand même 13 euros la paire. Hein, c'est comme les jeans avec les trous, là, c'est la mode. Oui, maintenant, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Il y avait le jeans, maintenant, il y a le bas. Alors, c'est un petit peu, ça fait un peu grunge. Vous vous souvenez de cette mode des années 90, comme ça? Uber dit aïe, aïe, aïe. L'autre jour, je me suis retrouvé un jour dans un magasin. Le nouveau modèle de jeans venait de sortir. Il y avait des trous partout, des taches de peinture. Et ils vendaient ça plus de 150 euros. J'ai regardé le gars en disant, mais j'ai le même à la maison. J'ai peint le week-end dernier avec. Donc, c'est dingue. C'est donc les collants avec des trous. Avec des trous, voilà. Qu'est-ce qu'on n'invente pas? Que vous pouvez le faire vous-même, hein. Vous achetez une paire de bas collants bon marché, vous faites un trou. Mais je suppose que là oui, mais il faut... Voilà, l'astuce, c'est que là, ça ne va pas filer. D'accord. Bah, à part les collants, vous avez d'autres suggestions aussi intéressantes que les collants? Oui, là, ça va peut-être vous intéresser plus, Sébastien, que les collants. Ce sont les petites culottes avec des têtes de célébrités. Bien sûr. Et donc, par exemple, si vous voulez une petite culotte avec la tête de Leonardo DiCaprio... Eh bien, c'est possible. D'accord. Là aussi, je trouve que c'est quand même un petit peu cher. C'est une bonne vingtaine d'euros. Moi, je me contenterai d'aller faire la bise à Leonardo DiCaprio. Décidément, bon, on va de surprise en surprise avec vous, Isa. Encore un truc un peu plus sérieux, peut-être? Allez, oui. Je vais vous proposer un jeans. Ah. Mais attention, c'est un jeans qui vibre pour vous guider dans la rue. C'est une start-up française qui a mis ça au point. Alors, comment ça marche? En fait, le pantalon est connecté à votre smartphone. Ouais. Et au niveau de la ceinture, il y a deux capteurs. Et donc, si vous devez tourner à gauche, évidemment, c'est le capteur de gauche qui se mettra en marche. Idem pour la droite, et évidemment. Si tu perds, c'est que tu as mis ton pantalon à l'envers. Oui, ça, il faut faire attention, évidemment. Moi, j'ai un petit bémol parce que pour le moment, cette start-up n'a fait des jeans de ce style que pour les femmes. Comme s'il n'y avait que les femmes qui se perdaient, comme qui ça, qui ne savaient pas. S'orienter. Ça sert à quoi, en fait? S'orienter, oui, mais enfin bon... Tourner au bon moment, Ania, tourner au bon moment. Voilà, à ne plus vous perdre dans la rue, à vous guider, voilà. Mais c'est un potentiel énorme pour les malvoyants, par exemple. Ah, ça, ça peut vibrer quand un obstacle s'approche. Eh bien voilà, on trouvait ça débile comme idée, mais vu comme ça, c'est pardi. Et ça coûte combien? Entre 130 et 160 euros. Donc voilà, c'est un très beau jean. Ça. Mais c'est vrai que la mode du connecté, on en parle depuis des années, mais est-ce que ça marche vraiment? Mais c'est vrai que la mode connectée, ça ne fait pas encore vraiment partie de notre quotidien. Hein. On peut dire qu'il y a peut-être un domaine où elle perce le plus, c'est dans le domaine des vêtements de sport. Mais vraiment, là, dans tout ce que j'ai lu, tout le monde dit mais pour que ça perce vraiment le vêtement connecté, il vaudrait que quand on le voit, on se dit ben c'est un vêtement comme un autre. Et pour le moment, on n'est pas encore vraiment arrivé à cela. Mais quand même, selon les derniers chiffres, ce marché du vêtement connecté a quand même grossi de 18% l'an dernier, mais évidemment, on part de très bas. Ouais, et on peut encore s'attendre à des surprises en la matière? Ah ben oui, on cherche beaucoup en matière de vêtements connectés. On nous annonce un vêtement connecté grâce auquel on pourrait payer. Bien sûr. Évidemment, il faudra que le vêtement connecté ne coûte pas trop cher non plus. Non, ça c'est... Sinon, voilà. Ou alors, simple gadget, véritable avancée, eh bien ça, l'avenir nous le dira. Un vêtement qui permet de payer, je ne le mettrai pas, parce que tu passes devant une borne et bouffe, ça paye. Enfin, s'il y a un bug dans cette histoire, non, je ne le ferai pas. Uber aussi fait la tête en se disant, oula, pas pour nous. Dites, Uber, à ce propos, on ne va pas parler de vêtements connectés, on va retour aux bonnes vieilles traditions, remède de grand-mère. Au vinaigre déconnecté. Au vinaigre déconnecté. On vous parle des trucs et astuces qu'on peut faire avec le vinaigre dans un instant et vous pouvez réagir par rapport à ça sur la page Facebook, on vous lira dans la foulée. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Monsieur le directeur. Oui, Jean-Pierre. Oui, dites, comme vous savez, j'ai gagné Euromillion. Oui, je sais. Oui, non, c'est juste pour vous dire que l'hélico sur le parking, c'est le mien. Donc s'il dérange, c'est moi qu'il faut appeler. L'hélico? Oui, le rouge, le petit. Ce vendredi, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Euromillion, devenez scandaleusement riche.

Excusez-moi, non, tout le monde connaît. C'est pas mal. Hein. Non, mais c'est pas un inconnu. Tout le monde connaît la sauce vinaigrette et son utilisation pour le nettoyage aussi, le vinaigre. Il remplace des produits très polluants. Vous en avez déjà parlé, hein, déjà. Oui, mais on connaît bien moins sa face cachée et les services qu'il peut rendre dans la vie de tous les jours. Savez-vous que le vinaigre peut vous soigner ? Alors, quand vous avez reçu un coup, on a un bleu, un hématome. Oui. Eh bien, quand l'hématome va venir, vous prenez un mélange de vinaigre et d'eau que vous frottez sur le bleu plusieurs fois. Ah bon ? Et ça va accélérer, disons, la guérison, tout simplement parce que le vinaigre va augmenter l'afflux de sang vers la peau et va accélérer sa guérison. Et je vois qu'on sourit autour de mais moi. Non, c'est mais non. C'est très vrai ce que mais je pense. C'est le même principe que l'arnica, en fait, ça va faire partir le bleu. Voilà, ça fait partir le bleu. D'autres exemples surprenants ? Ben, au jardin, par exemple. Pour les mauvaises herbes, pour les tuer, oui, ça, oui, on connaît pour tuer les mauvaises herbes, mais pas seulement. Pour tester le pH de votre sol. C'est-à-dire... Alors, comment vous faites ? Vous prenez une poignée de terre dans un petit récipient et vous versez un peu de vinaigre blanc dessus. Alors, si ça frétille, si ça fait un petit peu, voilà, ça veut dire que le sol contient du calcaire et qu'il est alcalin. S'il ne se passe rien, ça veut dire que votre sol est neutre ou acide. À l'atelier aussi, il est utile. Donc, au jardin et à l'atelier aussi. Et à quoi l'atelier ? Eh bien... Tout le monde dans un atelier, tous les bricoleurs ont des vieux pinceaux durcis. Mmh. Alors, il y a du produit spécial hein, pour les ramollir. Oui. Mais on peut s'en passer. Vous trempez les vieux pinceaux en nylon dans du vinaigre blanc chaud pendant 30 minutes. Le vinaigre va enlever la peinture et ramollir les poils. Vous rincez à l'eau et puis vous pouvez réutiliser votre pinceau. Et pas ça, c'est génial parce qu'on a tous des peintures, des pinceaux. Bien sûr, moi, je les jette parce que je me dis qu'ils sont foutus. Ah non, on peut les récupérer. Ah bah tiens. Et alors, pour enlever la rouille aussi, on peut le faire avec du vinaigre. Oui, on connaît le truc avec le coca, mais le vinaigre, ça marche très bien aussi. Voilà, des vieux boulons. Le fil du boulon, quand il est rouillé, on ne sait plus mettre l'écrou dedans. Ouais. Eh bien, vous le trempez, ce vieux boulon, deux jours dans du vinaigre blanc, et vous allez voir, vous frottez, et le fil va réapparaître, et vous pourrez à nouveau réinsérer un écrou. Mais c'est génial, c'est génial. Alors, il faut quand même préciser ici qu'il y a deux sortes de vinaigre. Ah. Donc, le vinaigre blanc qu'on achète à l'épicerie, ça marche bien, mais il y a un vinaigre beaucoup plus fort que pour acheter en droguerie. C'est du vinaigre qui est concentré à 14 degrés, beaucoup plus agressif, si vous voulez, que le vinaigre blanc normal, qui lui est concentré à 7 degrés. Donc, il va encore mieux ronger, enlever. D'accord. Mais le vinaigre enlève le calcaire dans les salles de bain aussi. Hein. Oui, tout à fait. Alors, entre les joints, parfois des carrelages, il y a un peu de pourriture noire. Dans les joints de silicone aussi. Oui. Alors, il suffit de prendre une brosse à dents un peu dure que vous trempez dans du vinaigre, vous frottez et vous allez voir, les taches vont disparaître. Mais c'est génial. Alors, une étiquette. Vous avez parfois des étiquettes autocollantes très difficiles à enlever. Ouais. Ça marche à l'acétone, bien sûr, mais si vous n'en avez pas, essayez le vinaigre. Vous laissez bien tremper l'étiquette, vous grattez, ça va partir. Voilà. Mais Hubert, ça veut dire qu'il vaut mieux prendre le vinaigre assez agressif à 14 degrés, alors ? Écoutez, parfois, ça marche très bien avec le vinaigre blanc, mais pour un résultat meilleur, je pense que pour l'étiquette ici, moi, j'utiliserais du vinaigre de droguerie. Et pour la salle de bain ? Alors, le vinaigre classique pour les joints du carrelage. Oui, quoi. Oui, mais si ça ne marche pas, alors essayez quand même le vinaigre concentré. Alors, encore le dernier truc aussi. Ouais. Bon, quand vous voulez détapisser, ça vous prend parfois, tiens, je vais... Et vous n'avez pas le produit qu'il faut, le fameux détapisseur qui coûte assez cher. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous mélangez moitié vinaigre, moitié eau tiède. Mm-hmm. Vous badigeonnez le papier peint, vous laissez un peu tremper, macérer 5 minutes, vous prenez un couteau de peintre, vous raclez et... Sent mauvais alors, ça sent le vinaigre dans toute la maison. Oui, mais sinon ça sent le détapisseur. C'est vrai, c'est vrai. On vous pose la question sur la page Facebook, êtes-vous adepte du vinaigre et avez-vous d'autres trucs et astuces ? Oui, Sophie, il y a déjà des réponses. Et il y a pas mal de réponses. Chantal nous dit qu'elle l'utilise dans l'eau bouillante de cuisson pour des œufs pour éviter qu'ils cassent. Oui. Donc apparemment ça fonctionne. Martin, le combiner avec du bicarbonate de soude comme détartrant et déboucheur de canalisation à utiliser dans les toilettes, dans la douche et l'évier pour déboucher. Je dis bravo Martin. Bah oui, parce qu'il a dit bicarbonate de soude, évidemment. Mais ouais, je voulais pas en parler parce que vous allez encore vous moquer. Non, mais il a raison. Encore un pour la route ? Par SMS, Jacqueline nous dit « À chaque fois que je pars en vacances, je verse du vinaigre dans ma cuvette d'OEC pour éviter les dépôts ».

ça. Pour le 25e anniversaire d'Intermarché, il y a des produits 100% remboursés, des offres jusqu'à moins 50% et une super action épargne avec 25 produits gratuits. Oui, vous avez bien entendu, 25 produits gratuits, c'est exceptionnel. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaires en magasin. Vivacité et la 2 présente le Belfius Brussels Marathon et Semi-Marathon. Lancez-vous dans un marathon, un semi-marathon ou un parcours de 5 km à travers notre capitale. Le Marathon et Semi-Marathon de Bruxelles, le dimanche 2 octobre. Départ au cinquantenaire, arrivé devant la bourse. Infos et inscriptions, brusselsmarathon.be. Vous écoutez Vivacité, il est midi. On s'informe avec Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour à tous. Le calvaire ce matin pour des centaines d'automobilistes coincés sur l'autoroute A54 qui relie Charleroi à Nivelles. En cause, un accident ce matin entre deux camions, un peu après 6 heures. Depuis, la chaussée est fermée, Lionel de Neubourg, et ça risque de durer. Oui, autoroute fermée jusqu'à 20 heures ce soir. Au minimum, il faut ramasser le chargement d'un des deux camions, nettoyer le mazout. Mais surtout, vu les dégâts, la chaussée va devoir être réasphaltée, réparer également les barrière de sécurité. Évidemment, tout cela prend du temps, au grand dam des automobilistes coincés depuis ce matin. Je suis là depuis 6h15 du matin. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes dans les bouchons ? 5h. Et on vient d'apprendre que c'était fermé jusqu'à 20h. J'espère qu'on trouve une solution pour nous dégager de là, parce que c'est pas possible. Vous alliez au travail, là ? Qu'est-ce que vous faisiez quoi ? Tout à fait. Je vais placer les pompes à bière au Dergem. Mon client ouvre demain, et bien il n'ouvrira pas. Voilà. Des automobilistes évacués, mais au compte-gouttes, à contresens sur l'autoroute. La protection civile et les pompiers sont sur place pour distribuer de l'eau et de quoi manger. Merci Lionel de Neubourg. Un dossier préparé avec Céline Liégeois. La A54 a évité donc absolument. Antoine Binamé nous donnera les itinéraires alternatifs dans le point RTBF Mobile Info. Le policier Carolo, arrêté chez lui hier, sera présenté cet après-midi à un juge d'instruction. Le policier est suspecté d'avoir acheté des armes et des grenades sur Internet en passant par des pages web non référencées. Selon le groupe Sud Presse, c'est le FBI qui aurait alerté les autorités belges. Une information que refuse de confirmer le parquet. Lors de la perquisition menée hier dans la foulée de l'arrestation, des engins explosifs et des grenades ont, semble-t-il, été retrouvés en quantité. À ce stade, le parquet reste très discret sur cette affaire. Salah Abdeslam, un des responsables des attentats de Paris, est venu chercher les trois auteurs de l'attaque du Bataclan à Budapest, la capitale hongroise. C'est ce qu'affirme un journal hongrois. Selon ce quotidien, les trois terroristes sont arrivés en Hongrie avec un groupe de réfugiés en provenance de Syrie. Un jour de congé pour les élèves ou encore les instituteurs. Un jour de discours aujourd'hui aussi pour les représentants politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle fête ses 45 ans aujourd'hui. Rudy De Motte, le président de la Fédération, a placé son discours sous le signe de l'égalité. Il a rappelé que la lutte contre le racisme et les discriminations était un combat quotidien. Une égalité malmenée à tous les niveaux, y compris au Parlement fédéral. C'est ce qu'il a ajouté. Écoutez-le. L'égalité, c'est d'abord celle qui, par nature, existe entre les êtres humains, par-delà leurs différences, leur culture, leur langue. Une réalité qui est niée avec une barbarie sans nom ces dernières années. Mais aussi une réalité malmenée à tous les niveaux. « Si ça ne te plaît pas, retourne au Maroc », déclarait-on au cœur même du Parlement fédéral sur des bancs qui ne sont pourtant pas ceux de l'infamie. On ne va pas polémiquer, l'indignation a été large et l'incident est clos au dire de l'intéressé. Mais l'écho de ces propos, lui, il est douloureux. Il est douloureux aux oreilles des démocrates que nous sommes. Douloureux et aussi inquiétant, parce qu'il s'inscrit dans une voie qui est celle de la banalisation du propos raciste et de la libération de la parole haineuse. On pensait que cette pensée réactionnaire était derrière nous. Et bien la voilà en pleine résurgence. Voilà Rudy De Motte, le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce matin à Bruxelles. En sport, du football au programme ce soir. Deuxième match pour Bruges en Ligue des Champions en déplacement face à Copenhague, une équipe solide. La rencontre est à suivre sur Vivacité à 20h45. RTBF Mobile Info avec Antoine Binamé. Comment éviter la A54? Oui, au niveau de l'A54 Charleroi-Nivelles, au niveau de Buzet, chaussée fermée, vous le savez. Alors, on vous propose deux itinéraires alternatifs. Si vous venez de Namur ou de Charleroi, vous continuez sur le 42 en direction de Mons. À Boisdaine, vous prenez la 501 vers Famille-Heureux et puis le 19 en direction de Bruxelles. Et si vous venez de Mons, eh bien, quittez le 42 à hauteur de Chapelle-les-Herlaimont et ensuite prenez la nationale 59 en direction de la capitale. La police est en train de commencer à évacuer les automobilistes à contresens. On vous l'a dit, la protection civile et les pompiers arrivent sur place et distribuent de l'eau et de quoi manger. Si vous êtes coincé dans votre voiture depuis ce matin, eh bien, courage. Pour le reste de la circulation, plutôt calme à cette heure-ci. Simplement un objet encombrant sur la N5 Couvin Charleroi à hauteur d'Yves-Gomzé, bande de gauche entravée en direction de Charleroi. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons, continue sur Viva avec Sébastien Nolvaux. Merci Justine, bel après-midi. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. On n'est pas des pigeons, sur Vivacité. Et un petit rappel avant de vous donner le programme de cette deuxième heure, petit rappel à tous les automobilistes coincés sur la 54 qui vont recevoir un sandwich de la protection civile. Nous aimerions savoir ce qu'il y a dans le sandwich de la protection civile. Dites-le nous au 3063 par SMS. Sinon, dans cette deuxième heure, nous parlerons avec Cyril qui s'est intéressé aux déplacements en transport en commun avec des animaux domestiques. Eh ben non, c'est pas gratuit. Quand tu prends, il faut payer. Ah ben oui, il faut payer. On s'intéressera aussi au cas de Gaël et de Daniel qui ont acheté une cuisine équipée Kvik, c'est ça? C'est ça, Kvik. Une marque danoise. Ah oui, moi j'aurais dit un meuble Ikea, moi, ça, Kvik. ils ont acheté ça au printemps, mais la cuisine est toujours pas fonctionnelle aujourd'hui. Eh ben non, à mon avis, ils peuvent faire des sandwichs pour aller porter à tous ceux qui sont bloqués sur la 54, mais à part ça, ils savent pas faire grand chose. Bon, on n'est pas les seuls à donner des recettes pour fabriquer ses propres produits ménagers. Il y a une intercommunale qui s'y met, Isabelle. Mais oui, est-ce que Uber aurait inspiré cette intercommunale liégeoise où on organise, figurez-vous, des ateliers pour apprendre aux gens à fabriquer eux-mêmes leurs produits ménagers? Visiblement, ça a du succès. Et on rappelle aussi la question sur la page Facebook, ça concerne le vinaigre et tous ces trucs et astuces qui vont avec. Si vous avez des trucs et astuces, n'hésitez pas donc sur notre page Facebook On n'est pas des pigeons ou alors par SMS au 3063, 50 centimes le message. Côté musique, il y aura Christina Aguilera. Eh, hey, c'est beau ça. On va danser. Il y aura aussi Delta. Ça, par contre, on ira faire un tour. Vous écoutez, on n'est pas des pigeons, c'est sur Vivacité. Bon appétit si vous passez à table. On est là ensemble jusqu'à 13h. Lost Frequencies, Survivor avec Beautiful Life. On n'est pas des pigeons. Alors dans cette émission, vous le savez, on adore vous donner des recettes pour fabriquer vous-même les produits ménagers. Le spécialiste en la matière, évidemment, c'est Hubert. Hein, ah oui, Hubert, notre Hubert, et qui visiblement a donné des idées à d'autres, parce que Intrabel, qui est l'intercommunale qui gère les déchets dans la province de Liège, eh bien figurez-vous, elle organise des ateliers pour apprendre aux gens à fabriquer eux-mêmes des produits ménagers d'entretien. Ce qui est important à savoir, c'est que ces ateliers sont gratuits, mais il faut quand même s'inscrire, et ils durent environ 3 heures, donc on apprend quand même pas mal de choses hein, alors, pendant un atelier. Pourquoi organiser de tels ateliers? On va reposer la question à Jacques de Paoli qui est avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour, vous êtes Jean-Jacques de Paoli. Jean-Jacques, autant pour moi, appelez-moi Christian. Christian, d'accord. Vous êtes le porte-parole d'Intradel. Alors, est-ce que c'est Hubert qui vous a inspiré ces ateliers? Est-ce que c'est Hubert? Oui et non. C'est-à-dire que la démarche, elle s'inscrit clairement dans une volonté de, d'une part, diminuer la production de déchets spéciaux des ménages, donc les produits d'entretien, pour deux raisons principales qui nous concernent. C'est que, faisant nos produits ménagers nous-mêmes, on respecte l'environnement. C'est évidemment aussi beaucoup plus léger pour le portefeuille. Et si on produit moins de ce que nous, on appelle déchets spéciaux des ménages, eh bien, c'est bien meilleur pour la Terre. Alors concrètement, quels sont les produits que vous apprenez aux gens à réaliser ? C'est assez vaste. Ça va du produit d'entretien multi-usage aux herbicides, en passant par des nettoyants auto, ou bien éventuellement des peintures chimiques. Voilà quatre exemples de produits dont on essaie de faire comprendre aux participants à ces ateliers qu'elles peuvent se passer, en tout cas, elles peuvent les fabriquer autrement. Et tout le monde peut y aller à vos ateliers ? Donc, comme vous le disiez en introduction, tout le monde peut aller dans ces ateliers. Il y a en fait 58 communes qui participent avec nous. C'est pas mal, hein ? Il faut être résident de cette commune pour pouvoir y participer. La liste est disponible sur notre site. Donc, si vous faites partie de ces 58 communes, l'inscription est libre, oui. Mm-hmm. Mais elle est obligatoire. Et elle est obligatoire. Et on peut y aller autant de fois qu'on veut, ou bien c'est quand même limité dans le temps ? C'est-à-dire que... il faut y aller le jour où la formation est donnée, bien entendu, ça tombe sous le sens. En fonction de l'importance des communes, certaines communes en organisent une, deux, voire trois parfois. Mm-hmm. L'idée, c'est quand même de sensibiliser, en tout cas c'est notre objectif, à peu près plus ou moins 2000 citoyens sur l'ensemble de notre province, par l'intermédiaire de ces 58 communes qui participent. L'idée c'est aussi de laisser la place et de ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre, surtout si vous y avez déjà été une fois. Et donc justement, ça rencontre vraiment un franc succès Oui, tout à fait. Donc chaque commune et chaque formation, progressivement évidemment, puisque ça s'étale dans le temps, sont à chaque fois pleines. Et peut-être petite précision pour ceux qui voudraient y aller, on vient quand même avec un matériel de base, on doit amener quelque chose quand on va à ces ateliers ? Comme vous fabriquez des produits ménagers, comme je viens de vous le dire, bien entendu, nous avons prévu des récipients, ces petits sprouts, dont le nom varie en fonction des régions. On en offre un aux participants, mais si vous produisez lors de cet atelier une quantité plus importante, venez avec vos bouteilles, récipients, etc. Mais vous pourrez réutiliser plus tard. On ne doit pas venir avec son bicarbonate de soude ou des choses du genre. Ouais. Non. D'accord. Tout ça disponible sur place. Bon, un site internet, celui d'Intradel, pour toutes les infos ? Celui d'Intradel est donc intradel.be et toutes les infos sont dans la rubrique événements que vous trouverez facilement. D'accord. Si vous voulez fabriquer vos produits ménagers vous-même en région liégeoise et repartir avec un sprouts gratuit, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et puis vous nous dites si ça a fonctionné, si c'est une formation intéressante ou si notre Hubert reste notre Hubert et le personnage incontournable pour nous donner les trucs et astuces pour fabriquer nos produits nous-mêmes. Dans un instant, Cyril, on prend le bus avec Pépette. On va même prendre le train. Le train avec Pépette ? Et il faut faire attention parce qu'on peut avoir des petites amendes. C'est le cas de Bernard qui nous a écrit. Il a eu une mauvaise surprise en prenant le train avec lui. On lit ça dans quelques minutes. Les festivals de l'été, c'est micro, trémolo, dodo. Mais le prochain festival, c'est macro, bravo, promo. Jusqu'au 18 octobre, au Festival de Macro, vous goûtez des petits plats spéciaux, vous découvrez des produits originaux, vous recevez même deux produits pour le prix d'un cadeau. Mais surtout, vous profitez de promos mégalo, comme ce Box Spring Crown Bedding à seulement 899 €, avec garniture anti-allergique et un design de pro. Le Festival de Macro, c'est vendredi et samedi chez Macro,

est-ce que c'était beau ce morceau en 2003, Christina Aguilera. Et j'ai vu les couples se former dans ce studio. C'était Beautiful. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Ah non, Cyril, tu lâches Annie, s'il te plaît. Allez. Et tu t'intéresses au mail de Bernard. Ouais, Bernard, il nous a contacté parce qu'il aime prendre le train, il aime son chien, et donc, bah, comme il aime les deux activités, ils font ça ensemble. Son chien, il s'appelle Flip. Oui, et Mathilde, je connais. Il est tout mignon, son chien. On le verra ce soir à la télé. Et il s'installe, il profite de son voyage dans le train. Et là, le contrôleur arrive, il lui demande son billet, il lui donne. Mais il lui demande aussi, surprise, le billet du chien. Comment ça se fait, ça? Ah bah, il se fait qu'en fait, bah, le chien, il doit payer. Bon. Alors, ça dépend. Il y a plusieurs règles. Et on va définir trois catégories pour voyager avec un animal. Il y a les animaux de petite taille, les grands animaux et les chiens d'assistance. Tout ce qui est chien d'assistance, là, bah, ça semble assez logique. C'est gratuit, oui, puisque les personnes en ont vraiment besoin. Ensuite, on a les animaux de petite taille. C'est gratuit, mais il faut les transporter dans une cage, dans un sac, dans un panier, tout ce que vous voulez, de sorte que l'animal ne parte pas. D'accord. L'idée, c'est ça, c'est de simplement s'assurer qu'il ne se balade pas tout seul dans le train. Et donc, les petits animaux, c'est quoi? Une souris, un rat, un petit chat? Eh bien, alors là, il n'y a aucune règle. Donc, vous pouvez transporter n'importe quel animal, qu'il soit grand, qu'il soit petit. Vous pouvez transporter des animaux dans le train du moment que vous respectez les règles de transport. Et ça me fait penser au mec à Bordeaux, c'était il y a un an ou deux. Oui, Serge Le Lama, là-bas. Qui avait piqué un lama dans un cirque, ils avaient pris le tram avec. Est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, c'est autorisé. Donc, mais les grands animaux, c'est payant alors? Alors, les grands animaux, c'est payant. Alors, il va falloir avoir un maître chez vous pour mesurer. Puisque c'est très précis la règle, vous devez avoir un animal qui mesure moins de 50 cm de long, 30 cm de large et 30 cm de haut. Ça, c'est pour que ce soit gratuit. D'accord. Au-delà, c'est payant. Et normalement, l'accompagnateur de train n'est pas avec son maître pour vérifier à quelques centimètres près, ça doit passer, hein, logiquement. En même temps, tu connais la différence entre un chihuahua et un pitbull qui te fait pipi sur la jambe, hein? C'est pas... Ben, le pitbull, tu le laisses faire. Donc, ici, en l'occurrence, si tu te balades avec un pitbull dans le train ou un animal de taille imposante, je ne sais pas comment peut réagir le contrôleur si tu dis à ton chien « montre les dents ». Et ben là, le contrôleur, justement, peut vous mettre dehors. Ah peut oui, vous carrément. Sortir. S'il trouve que le chien est agressif, il va y avoir plusieurs règles. C'est-à-dire qu'il va pouvoir vous demander soit de lui mettre une muselière, mm-hmm, de le calmer, de vous mettre entre les wagons dans la partie où il n'y a ouais, pas de siège ouais, pour justement ne pas faire peur aux autres passagers. Et en cas d'agressivité extrême, là, il peut vraiment vous descendre au premier. C'est bien qu'il y ait des règles comme ça. Cela dit, ça coûte combien? 9,30 €? Alors, ça ne coûte pas 9,30 €, parce qu'on verra ce que Bernard, il a payé. C'est Bernard, ça il a dû payer 9,30 €. En réalité, il y a une règle très simple, c'est que sur un trajet en Belgique, ça coûte 50% du prix pour un passager adulte. Mm-hmm. Donc, on est à un maximum en Belgique de 2,30 €. Ça, c'est le prix maximum qu'on paie. Sauf que Bernard, comme il n'avait pas pris son billet avant, eh ben, il a dû à ce moment-là payer une amende. Le fait de payer son titre de transport dans un D'accord. train, c'est un supplément fixe de 7 €. On ne peut okay. pas faire autrement. Alors, on a suivi Bernard oui. et on verra dans le reportage ce soir qu'il y a un autre contrôleur qui ne demande rien. Eh ben, effectivement. Là, c'est le côté un peu flou dans la règle, c'est qu'il y a un règlement qui est disponible sur le site de la SNCB, mais il n'est pas appliqué de la même manière par tous les contrôleurs. Certains ferment les yeux, ne disent rien, d'autres donnent un avertissement et puis d'autres demandent le prix D'accord. du billet. Et si on prend l'avion, c'est le même principe? Alors, si on prend l'avion, chaque compagnie a sa propre règle, mais prenons l'exemple de SN Brussels Airlines. Là, vous allez devoir prévenir que vous venez avec un animal s'il fait moins de 8 kilos, panier compris. Mmh. Là, vous pourrez donc le prendre en cabine. Mais quand je dis qu'il faut prévenir, c'est que la règle, c'est d'avoir un seul animal par cabine, un seul animal par vol, donc. Sauf, en prévenant, vous pouvez en avoir éventuellement deux, mais là, la compagnie s'arrangera pour en placer un à l'avant de l'avion, l'autre à l'arrière, pour qu'il n'y ait pas de contact. Et sinon, bah, c'est un transport de fret, et là, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Il faut les mettre en soute, quoi. Il va falloir les mettre en soute, et là, on est sur des prix qui augmentent, puisque pour le prendre en cabine, c'est pas gratuit, hein, même s'il est petit. Sur un vol européen, ce sera 50 €, et pour un vol international, 70 €. C'est plus cher que le train. Bon, on reparle de Pépette et de Bernard ce soir à la télé. Oui. À partir de 18h30, on prendra le train avec le chien. C'est chouette, ça. Il s'appelle comment, le chien? Il s'appelle Flip. Ah oui, Flip. Justement, Flip et Mathilde, j'ai oublié. Pour tout ce qu'on n'a pas su faire, pour tous ces retours en arrière, et toutes ces routines achevées, et celle qu'on ne reprendra jamais. Toutes ces épreuves et ces jours maudits qui font comprendre qu'on n'a qu'une seule vie. On danse,

Un an de prison avec sursis pour l'ancien bourgmestre socialiste de Fontaine-l'Évêque. Son épouse et la receveuse communale sont acquittées. Georges Rovillard avait passé un mois en prison en 2006. On le suspectait d'avoir confondu ses comptes personnels avec ceux de la ville de Fontaine-l'Évêque et ceux de la WIP, l'agence wallonne pour la personne handicapée qu'il dirigeait à l'époque. Georges Rovillard, 70 ans, est donc aujourd'hui condamné à un an de prison avec sursis. Des détails dans le journal de 13h. Et puis à 13h, on reviendra aussi sur ce premier duel médiatique entre Trump et Clinton. On parle de la course à la présidentielle aux États-Unis. Victoire, semble-t-il, de Clinton, selon les analystes du débat. On évoque aussi ce fantasme des petits hommes verts sur une autre planète que la planète Terre. On a découvert des vapeurs d'eau sur la lune de Jupiter. Ça pourrait laisser penser à une existence ailleurs, mais il ne faut pas aller trop vite en besogne, comme nous l'expliquera l'astrophysicienne Yaël Nazé. Je vous donne rendez-vous pour tout cela et pour le reste à 13h. Le rendez-vous est pris, Manu. On n'est pas des pigeons. Tu te méfies de moi, de ma façon de parler, de me tenir droit. N'allons pas refaire l'histoire. Toutes les blessures trouvent une place dans les mémoires. On partage le même territoire. La même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. S'éteignent seul dans le noir. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. Le groupe Delta sur Vivacité avec Héréditaire. Et c'est quoi ton problème ? Nous ? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. C'est Gaëlle qui a un problème. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Gaëlle, vous avez acheté une cuisine équipée Kivik, c'est ça ? C'est comme ça qu'on dit ? Kavik. C'était au printemps dernier. Mais aujourd'hui, nous sommes fin du mois de septembre. Votre cuisine n'est toujours pas fonctionnelle. C'est-à-dire ? Non. Gaëlle, vous êtes là ? Oui, je suis là. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des éléments qui sont temporaires, notamment mon évier. Oui. J'ai un tout petit évier, alors que j'ai commandé un évier double bac. J'ai pas de lave-vaisselle. Il y a des petites finitions, des finitions tout court, des placements qui ne sont pas effectués convenablement. Et voilà, donc ça commence à faire long depuis le mois de mars. Surtout que vous avez deux petits-enfants. C'est pas facile de cuisiner là-dedans, c'est quoi. C'est ça. Ok. Oui, c'est ça. C'est un peu difficile. Vous avez contacté le magasin, évidemment. Oui, j'ai contacté le magasin. J'ai contacté un responsable du siège social près d'Anvers. Et j'ai contacté aussi le Danemark, parce que la société est danoise. Vous parlez danois? Ah non, pas du tout. Ah, bah, comment vous avez fait, alors? J'ai demandé quelqu'un sur place pour parler en français, évidemment. Bon, dossier un petit peu compliqué, ça, Annie, non? Oui, non? Mais écoutez, oui, c'est un compliqué. Cela dit, on a déjà vu des cuisines équipées qui traînent, etc. Alors ici, il faut rappeler 8 500 € la cuisine, quand un même. Compte de 2 500 € qui a été versé. Devis signé au mois de mars, confirmation au mois de mai. Alors sur le devis, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de mention sur la date de la livraison. Déjà, ça pose un petit souci parce que vous savez que s'il n'y a pas de date indiquée, ben, on va vous dire que c'est dans un délai raisonnable. Mais qu'est-ce un délai raisonnable? C'est une chose. Alors, deuxième précision aussi, Gaël, et vous ne l'avez pas dit, c'est que la cuisine, en fait, celle que vous avez achetée, c'est une fin de série. Ce qui sous-entend que lorsqu'il y a un souci, par exemple, et je crois qu'il y a des soucis avec des portes, comme c'est une fin de série, ben, il n'y a plus d'éléments en stock, donc il faudrait les fabriquer. Donc ça rallonge évidemment le temps. Et alors le gros point noir, semble-t-il, c'est une communication peut-être un peu difficile avec le magasin où vous avez acheté la cuisine. C'est-à-dire que vous dites, ben, on ne me donne jamais de date précise, on ne me dit pas voilà, je vais venir tel jour à telle heure pour vous livrer les éléments. Et donc les éléments sont arrivés un petit peu plic-ploc au fur et à mesure. Et donc on se retrouve plusieurs mois plus tard, on est quand même au mois de septembre, fin du mois de septembre, c'est pas normal, hein. Avec une cuisine qui n'est quand même pas fonctionnelle et qu'on ne peut donc pas utiliser dans des conditions entre guillemets normales. Voilà. Nous téléphonons. Je peux juste préciser une petite chose. Allez-y. C'est qu'en fait... on a parlé d'une fin de série, oui, mais quand on a signé, ce n'était pas le cas. Nous, on n'était pas au courant. On nous l'a annoncé après avoir signé et le jour de l'installation. Quoi. Mais en même temps, fin de série ou pas fin de série, tous les meubles doivent arriver le plus vite possible et être opérationnels, cette cuisine, le plus vite possible. Ouais. On donne un petit coup de fil au magasin en question. On a une des responsables qui s'appelle Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Pourquoi ça traîne la livraison de tous les meubles? Alors, ben, en fait... il y a eu différents petits soucis. Donc, comme vous l'avez spécifié, la cuisine de Madame Monnier, c'est une cuisine Selva. Et bon, contrairement à ce que Madame Monnier peut dire, nous n'étions pas au courant en fait que cette cuisine sortait de gamme au moment où la signature a eu lieu. Donc là, on est dépendant du Danemark en fait, hein, quand, quand des modèles sortent de série. Et donc, par contre, ce qui est tout à fait clair et vrai, c'est que bah, à partir du moment où on est en fin de série, nous on reçoit en fait l'intégralité des portes dans ce modèle-là au magasin pour les différentes cuisines et parfois avec des manquants. Et donc par rapport à ça, nous avons communiqué à notre point de contact au Danemark dès la livraison de la cuisine de Madame et Monsieur Monnier, les différents éléments manquants qui nous ont été refabriqués en usine pour pouvoir mettre à disposition du client, répondre au contrat. Et voilà. Et donc, c'est vrai que cette reproduction prend parfois un peu de temps, à savoir qu'au moment où on intervient pour l'installation de la cuisine de M. et Mme Monnier, on est en plein mois de juillet, fin juillet, et ça coïncide aussi avec les congés, pas les congés du magasin, mais par contre les congés d'usine, que ce soit au niveau de GIC, mais aussi au niveau d'autres fournisseurs. En D'accord. fait. Donc voilà, c'est une explication par rapport au délai. Mais madame, point... oui, attendez-nous, mais bon, voilà, on est fin septembre, alors on a bien compris, il y a eu les congés, etc. On ne sait pas mettre la main devant, comme on dit. Est-ce que vous pouvez annoncer ou donner une date, un tel jour, telle heure, où on viendra livrer le reste? Parce qu'il y a quand même un évier à lave-vaisselle, et donc on peut quand même comprendre que les clients soient un peu fâchés. Oui, ça tout à fait. Donc vraiment, par rapport à la situation de monsieur et madame Monnier, on est tout à fait conscient du problème et on a aussi pris des actions. On a eu des contacts encore par mail via l'intermédiaire de notre directeur sud. Et voilà, et ce matin, j'ai eu la confirmation par rapport à ce fameux évier qui n'est pas un produit de la gamme Glic et on a eu des difficultés en fait à l'obtenir. Et donc là, ce matin, j'ai eu la confirmation que nous recevrons cet évier le 10 octobre. Par conséquent, il était question que nous prenions contact avec monsieur et madame Monnier pour leur faire une proposition de date dans la semaine du 10 octobre. A priori, mais j'aimerais quand même... Ça, c'est que l'évier, on est d'accord. Non. Il y a les autres éléments sont déjà en notre possession. D'accord. En fait, hein. Donc l'évier, vous attendez l'évier pour fournir tout le reste en fait.

Simon Lebon et ses amis du groupe Duran Duran en 1993 avec Ordinary World. On se posait une question tout à l'heure par rapport au contenu des sandwichs que la protection civile allait amener à tous ces gens qui sont bloqués sur la A54. Nous avons eu un automobiliste en ligne il y a quelques secondes. Quentin, il est là, il est bloqué depuis 6h15 et la police a fait faire demi-tour aux alentours de 12h15. D'accord. Et donc le sandwich, il n'a jamais vu la couleur de ce sandwich, donc il ne sait pas dire ce qu'il y avait dedans. Et pourtant, il était à 200-300 mètres de l'accident, c'était les premiers. Ça veut dire que ça en passe de se régler. Les gens qui sont bloqués, la situation ne va pas être réglée tout de suite sur cette autoroute, mais les gens font demi-tour, c'est un bon point. Reste une deuxième question. Que va-t-on faire avec de tous ces sandwichs de la protection civile, bon sang, que du gaspillage. Si vous avez la réponse, c'est sur Facebook que vous pouvez peut-être nous la donner si vous bossez à la protection civile. En attendant, sur Facebook, on vous demandait les trucs et astuces que vous aviez avec le vinaigre et les gens ont répondu en nombre. Oui, Laetitia nous dit « Pour enlever les lentes des têtes des enfants », bon ça c'est quand même bien connu. Et puis Lydie « Tremper un vêtement pendant quelques heures dans de l'eau bien vinaigrée pour empêcher de déteindre, ensuite bien rincer, sauf pour les pulls en laine ». Chantal « C'est efficace si vous faites un mélange, un bidon de 5 litres, mettre 1 kg de sel, 500 ml de vinaigre et remplir avec de l'eau, verser sur les mauvaises herbes. Attention, c'est super efficace, mais il ne faut pas le verser n'importe comment, sinon bonjour les dégâts ». On a eu quelques SMS aussi. Il y a Michel de Namur, il l'utilise pour le nettoyage des cuivres. Il fait un mélange farine, sel et vinaigre en pâte. Il dit que c'est l'idéal. Luc de la Louvière, pulvériser du vinaigre sur les sacs poubelles pour faire fuir les chats. Mais pourquoi pas. Des trucs et astuces, continuez à en envoyer sur la page Facebook et on reparlera de ces trucs et astuces avec le vinaigre ce soir à la télé à partir de 18h30. Galerie Toison d'Or, j'adore. Allô Agnès ? Oh, c'est top top top ! Les magasins de la Galerie Toison d'Or ouvrent tous les premiers dimanches du mois. Donc, dimanche 2 octobre, ils seront ouverts de 12h à 18h. Trop bien pour découvrir les nouvelles collections. À dimanche alors ! Galerie Toison d'Or, j'adore. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalle pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. Vive les animaux ! Le samedi 1er octobre chez Tom & Co, c'est la fête des animaux. Moins 15% sur tout le magasin. Le samedi 1er octobre, votre animal est roi chez Tom & Co. Plus d'infos sur tom&co.be. Ce message s'adresse à vous qui venez de rembourser votre maison ou dont les enfants sont grands et indépendants. Oui, vous, qui vous demandez comment faire fructifier cet argent, vu que l'épargne, ce n'est plus comme avant. Chez CBC, nos conseillers sont vraiment à votre écoute. Ils prennent le temps de vous expliquer les choses simplement, quoi qu'il arrive. Investir ? Parlons-en. Passez nous voir ou rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire ? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année ? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en véranda. Vivacité La Une présente le Vaux Rire, le Festival international du rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Renaud Ruten, Claudia Tagbo, les frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vauxrire.be. Moscow was amazing last night. I never just for you. Swim a part of ocean. Ooh. I fly the part of empty sky. Japan is my new direction. Ooh. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for Ooh. You. Door behind me, something more. One day I'll stop it all, it's true, and I will do it just for you, and I will do it just for you. Behind me. C'était Kid Noise sur Vivacité avec le titre Ocean. Il y a le coup de gueule qui débarque dans un instant. Viva. En télé sur la une. Je voulais absolument partir, j'en pouvais plus d'ici. Laura a passé 9 mois en Syrie, au cœur de l'État islamique, avec son petit garçon de 4 ans. Au cœur de Daesh, avec mon fils. Et On va perdre notre ADN, deux documents en exclusivité pour la rentrée de Devoirs d'enquête, ce mercredi sur la une. On n'est pas des pigeons. Le coup de gueule du jour, je crois que tout le monde pourrait le pousser un jour. Hein? Oui, je suis d'accord là pour le coup avec elle. Et je pense que vous êtes nombreux. Bonjour, je constate depuis un bon moment sur les autoroutes belges, françaises et hollandaises aussi que l'on néglige les clignotants lors des changements de bande de circulation. Alors Yilma se demande à quoi servent ces clignotants, autant ne pas en mettre lors de la construction des automobiles. Est-ce que c'est une nouvelle mode? Que faire? Ça serait intéressant d'en discuter un petit peu. C'est vrai que c'est dangereux les gens qui ne mettent pas de clignotants. Oui. Et parfois ils ont des toutes grosses voitures bien chères. Eh bien c'est ce que je me dis. C'est bête d'avoir payé aussi cher une voiture et de ne pas avoir réussi à se payer les clignotants. Ouais, hein. Ben j'ai le même avis. C'est vrai que plus la voiture est grosse, moins les clignotants fonctionnent. C'est quand même assez hallucinant. Si vous avez d'autres coups de gueule, n'hésitez pas à nous les poser sur la page Facebook de l'émission. On rappelle les autres moyens pour joindre la rédaction, Sophie. Tout simplement par SMS au 30 63 50 centimes le message, sur notre répondeur au 070 222 660 ou encore par email à pigeon@rtbf.be. On sortir sur la pointe des pieds pour aller préparer l'émission télé. On vous retrouve sur la une à partir de 18h30 avec toute l'équipe. Sylvie Honoré prend le relais. La vie du bon côté, on parle de quoi aujourd'hui, Sylvie? Les agacements conjugaux. Les petits agacements conjugaux. Voilà. Genre, on s'entend comme dans une casserole. Bah, c'est déjà un agacement. Voilà, ça m'agace. Genre, il m'énerve. Elle m'agace. Voilà, tout ce qui peut se passer au quotidien, cher Sébastien. Les agacements dans le couple qui ont beau faire partie du quotidien, ils irritent à chaque fois. Alors, par agacement, on comprend évidemment tout ce que tout le monde vit, hein. Ça veut dire quelqu'un qui râle. Je dis quelqu'un, donc ça peut être les deux conjoints, l'un des deux conjoints qui râle parce que l'autre arrive en retard, ou parce que l'autre laisse traîner ses chaussettes, ou parce que l'autre ne rabaisse pas la lunette du WC, ou parce que l'autre ne transporte pas la manne en haut des escaliers. C'est tellement gai de pouvoir enjamber la manne de linge 12 fois par jour sans prendre le temps de la monter. C'est du vécu. Je vous vois rire. Je vous vois rire, Sylvie Loumet. Les hommes ne la voient pas. Ils ne voient pas la manne. Non. Ils passent non. Au-dessus sans la voir. Voilà, les hommes. Alors, ça, je c'est confirme. Du côté. Ça, c'est du côté. Voilà. Serge, alors, ce qui est génial avec vous, c'est que vous êtes un homme, une femme. Voilà. Et que vous animez des conférences interactives tous les deux là-dessus, quoi. Sur les agacements conjugaux. Bah, c'est génial d'être un homme et une femme, finalement. D'être des deux côtés, Serge. Tout à fait. C'est un sujet très porteur, évidemment. D'être un homme et une femme pour parler de cela, c'est absolument magnifique. On se sent très content. Voilà. Bah. Et en même temps, on se rend compte qu'on n'est pas toujours de même avis. Et alors, on discute le coup. Oui. Mais là, on va prendre des risques sur cette conférence. C'est génial. Donc, c'est une conférence interactive qu'on vous présentera, mais c'est surtout aussi le thème de notre émission du jour, les agacements dans le couple. Il m'agace, oh, elle m'énerve, elle me dit qu'elle est prête, elle en a encore pour une demi-heure. Voilà, ça, c'est, ouais, ça, c'est un agacement aussi tout à fait normal et dans lequel on se reconnaîtra. Bref, venez nous dire au 070 23 33 23 et SMS 30 63 quels sont les agacements qui vous irritent le plus dans votre couple. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez votre partenaire? Qu'est-ce que vous ressentez au moment de l'agacement et surtout, qu'est-ce que vous mettez en place pour dépasser l'agacement et pour ne pas vous gâcher toute la journée ou toute la soirée? 070 23 33 23 et SMS 30 63, 50 centimes par message. On parle de tout cela juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Caroline Gillet que voici. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. Très belle journée à tous. Après une matinée bien lumineuse mais un peu fraîche, cet après-midi s'annonce très agréable aussi avec des températures qui vont grimper entre 17 et 22 degrés. On aura un ciel plus couvert du côté du littoral, quelques vols d'altitude sur le centre du pays, mais sur les provinces de l'Est, on aura un ciel serein toute la journée. Une zone nuageuse va donc envahir notre pays dans le courant de la soirée et de la nuit. Elle s'étendra à toutes les régions, peu à peu, pouvant laisser échapper quelques gouttes sur la Flandre occidentale. Grande différence de température entre l'Ardenne et le littoral aussi cette nuit, puisqu'on aura 7 degrés à Saint-Hubert et jusqu'à 16 degrés à Ostende. Demain matin, on se réveillera sous les nuages. Dans l'après-midi, des éclaircies reviendront, elles seront parfois larges. Le vent de sud-ouest sera sensible et les températures comprises entre 18 et 23 degrés. Bon début d'après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 13h. Ça se dégage sur la 54, la route entre Charleroi et Bruxelles. La protection civile est parvenue à évacuer les camions qui étaient entrés en collision ce matin et à dégager les automobilistes coincés. La chaussée reste fermée. Pas d'école aujourd'hui pour fêter la Fédération Wallonie-Bruxelles, autrement dit la communauté française. Les francophones, pas toujours à la fête pourtant. Ils doivent rester vigilants, dit Rudy De Motte, le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que l'État fédéral manque de loyauté. Extrait de ce